Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107 Radio Gemozo. Nous sommes une heure ensemble pour l'émission La parole est à vous. Avec ce soir, au dossier consommateur, parce que bon, on a pris beaucoup de retard. Et c'est vrai que le mois de janvier va être particulièrement dense, parce qu'il faut aussi, il y aura encore un magazine santé de La parole est à vous, et puis un magazine être né quelque part avant la fin du mois. Puis on parlera à la fin de ce mois des coquelicots, c'est-à-dire la lutte contre les pesticides. Alors, on va parler de la presse consumériste, en particulier que choisir, et puis donc de nouvelles assez brèves. Alors, pour le permis de conduire, que choisir titre ? Dis-moi où tu habites. Il vaut mieux passer son permis de conduire loin de la région parisienne, dans le sud-ouest ou le nord-est, par exemple. Cela coûte bien moins cher. Une étude menée en 2016 par l'UFC Que Choisir estimait le coût du permis à 1 468 € dans le territoire de Belfort contre 2 140 € à Paris. La probabilité de le décrocher y est plus haute. Disponible sur le site quechoisir.org, la carte interactive sur les taux de réussite pour l'épreuve de conduite du permis B, donnée de 2017, permet de comparer les auto-écoles. L'obtention est en baisse constante depuis 2014, moins 1% par an, et les inégalités restent prégnantes. 58 départements ont un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale, dont 27 de plus de 5 points, et 15 départements se trouvent plus de 5 points en dessous. Ainsi, moins de la moitié des candidats sont admis dans les Yvelines, 48%, à Paris, 49%, et dans le Val-de-Marne, 50%. C'est pire outre-mer, avec 40% de réussite seulement en Guadeloupe et 43% en Guyane. A l'inverse, plusieurs départements affichent des taux supérieurs à 70%. Le Gers, 72%, la Charente, 74%, la Lozère, 74%, et Saint-Pierre et Miquelon, 77%. Ces différences s'expliquent en partie pour des raisons socio-économiques contextuelles. Le taux de réussite parisien est ainsi plus bas du fait de la circulation plus difficile et d'un pourcentage faible de jeunes optant pour l'apprentissage anticipé de la conduite. Mais ces particularités ne suffisent pas. Comment justifier une différence de 20 points entre le Vaucluse, 49%, et les Alpes de Haute-Provence, 70%, et entre la Haute-Vienne, 54%, et la Charente, 74%, des départements pourtant voisins. Voilà, peut-être une question de mentalité, il y a peut-être une question aussi de compétences des auto-écoles ou de sévérité, bien sûr, des examinateurs. Alors, l'affichage nutritionnel, on recule, rétropédalage des Big 5. L'unité des Big 5 commence-t-elle à se fissurer ? Le 20 novembre, ces 5 multinationales agroalimentaires, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola et Unilever, ont décidé de suspendre leur essai d'affichage nutritionnel. ENL, concurrent de Nutri-Score sur les aliments, ils justifient cette décision en expliquant que l'absence d'une définition européenne de la taille des portions avait engendré un manque de compréhension et de soutien vis-à-vis de leur schéma. Pour autant, ils poursuivent les essais sur les boissons. Ils appellent la Commission européenne à harmoniser l'affichage nutritionnel à l'échelle de l'Union et à définir des tailles de portions standards. Puisqu'on parle un peu de l'Europe, là, parlons de Viagogo. Le Royaume-Uni décide de sévir. Malgré nos mises en garde, dit Que Choisir, répété, le site de vente de billets de spectacle Viagogo continue de faire des victimes parmi les lecteurs de Que Choisir, qui écrivent pour savoir si le billet est vrai. C'est impossible à savoir. Au-delà des frais exorbitants facturés par Viagogo, le principal problème est que les billets électroniques peuvent être falsifiés ou revendus à plusieurs personnes. Jusqu'à présent, les actions contre le site étaient menées par les producteurs, mais le Royaume-Uni est allé plus loin et pourrait devenir le premier État à réduire le pouvoir de nuisance du site basé au Delaware, aux États-Unis. L'autorité des marchés et de la concurrence britannique a, fin novembre, obtenu de la Haute Cour de justice qu'elle ordonne au site d'indiquer si les billets vendus sur sa plateforme présentent un risque de ne pas être acceptés. Viagogo devra aussi préciser le numéro de siège et l'identité des vendeurs, ne pas donner d'informations erronées sur la disponibilité des billets, vérifier que le vendeur dispose bien des billets qu'il met en vente et faciliter les remboursements en cas de litige. La Haute Cour prévient. Si vous, Viagogo AG, désobéissez à cet ordre, vous pourrez être déclaré coupable d'outrage au tribunal et passible d'une amende. Vos biens pourront être saisis et vos administrateurs seront également passibles d'une peine d'emprisonnement, d'une amende et de la saisie de leurs biens. Les services français de la répression des fraudes peuvent s'en inspirer. Malheureusement, on a des chiffres, on en reparlera, où la répression des fraudes elle est de plus en plus restreinte, étant donné qu'il y a des coupes-sommes dans les effectifs, alors que là, justement, si on veut protéger les consommateurs, on devrait plutôt créer des emplois. Mais voilà. Alors, que dire encore ? Internet, la nouvelle Freebox vaut-elle le coup ? C'est la question que se pose que choisir. C'est peu dire que la nouvelle Freebox, Delta, était attendue. Dévoilée en fanfare le 4 décembre, elle a de quoi séduire. Son processeur puissant, son Wi-Fi de dernière génération et son disque dur de 1 teraoctet laisse présager de belles performances. C'est la moindre des choses pour une box faite pour être commercialisée pendant au moins 8 ans. Sa capacité à gérer un débit de 10 gigabits aussi est assez étonnante, même si, en pratique, rares sont ceux qui y verront un réel intérêt. Ce qui fait surtout sa force, ce sont ses équipements multimédia. Outre son accès à Internet, ses appels inclus vers les mobiles en France et les fixes de 110 destinations, et son large choix de chaînes de télé, la Delta sort d'enceintes connectées haut de gamme, d'assistants vocaux et d'alarmes anti-intrusion. Du jamais vu pour une box qui pourrait intéresser des personnes pas encore équipées. Le fait qu'elle intègre un abonnement à Netflix sera un vrai plus pour nombre d'utilisateurs, même s'il ne s'agit que d'abonnements de base. Il faut régler un supplément pour bénéficier des contenus en 4K et pouvoir se connecter depuis 4 terminaux simultanément. Mais encore faut-il être prêt à débourser chaque mois 49,99€ d'abonnement et à acheter le caisson player qui contient l'enceinte, l'assistant vocal et l'alarme, au prix de 480€ au comptant ou en 48 mensualités de 10€. Dans ce dernier cas, si vous résiliez l'offre avant les 48 mois, vous devez continuer à payer les 10€ par mois pour pouvoir conserver le player. Ceux qui ne veulent pas payer 60€ par mois peuvent choisir le forfait Freebox One à 29,99€ mois pendant un an, puis 39,99€ mois sans enceinte ni assistant vocal, mais avec Netflix. Voilà, donc ça vaut bien sûr le coup de peut-être essayer cette nouvelle Freebox. Voilà, parlons des transports aériens. Alors, des hausses en vue. En 2018, les recettes annexes que les compagnies aériennes tirent de la vente d'autres prestations que celles des billets ont quadruplé par rapport à 2010. Elles s'élèvent à 78,8 milliards d'euros, soit 10,7% de leurs revenus globaux. Derrière ces recettes annexes, on trouve les suppléments pour bénéficier du choix de son siège ou d'un espace plus grand pour les jambes, ou encore les offres payantes de boissons et repas à bord. Mais la part la plus importante est fournie par les frais d'enregistrement et d'excédent de bagages. Chez Ryanair, ils ont fait bondir les recettes de 27%. Par ailleurs, le prix des billets d'avion augmentera en 2019. Hausse des redevances aéroportuaires, notamment à l'aéroport de Paris, des taxes, le renchérissement pourrait approcher les 3%. Ben voilà, ce n'est pas que des bonnes nouvelles. Alors, je voudrais aussi faire bien, en quelque sorte, l'édito d'Arnaud de Blauve, rédacteur en chef de Coffre Choisir, qui parle de la France triste. Ben, on est en ces débuts d'année et il faut quand même se rendre compte de la situation dans laquelle on est, avec en particulier cette révolte des Gilets jaunes, dont je parlerai dans un prochain édito. Dans Paris, sans dessous-dessous, dit Arnaud de Blauve, la quarantaine tient une pierre dans la main. Ce samedi 8 décembre, plusieurs semaines déjà que l'économie tourne au ralenti. La clientèle a déserté les magasins normalement si fréquentés en cette période. La France a le moral en berne. Si le mouvement des Gilets jaunes est porté par ces invisibles, trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches, c'est toute la population qui a pris conscience que l'on marchait parfois sur la tête. Un exemple, à longueur de journée, on nous parle du réchauffement climatique. Mais quelle réponse pour le freiner ? Des taxes, voire des taxes sur les taxes, dont on ne sait finalement pas à quoi elles sont réellement affectées. Illisibles et incohérents. Le couvercle a fini par sauter et la contestation populaire s'est exprimée hors d'un cadre structuré, via les réseaux sociaux et les chaînes d'infos. Un coup de semonce pour nos gouvernants qui ne pourront désormais plus faire autrement que d'adopter de nouveaux codes pour expliquer, justifier et accompagner les mesures prises. Ce mouvement oblige aussi les corps intermédiaires, syndicats, associations, à se réinventer. Mieux écouter les attentes du terrain, puis proposer de solides arguments, le rôle qu'ils doivent jouer pleinement. Une reconstruction qui vaut bien sûr pour Que Choisir, depuis toujours. Dit Que Choisir, dit de Blauve, depuis toujours, nous sommes engagés dans la défense de votre pouvoir d'achat, comme l'ont par exemple montré nos opérations énergie, moins chères ensemble, de ces dernières années. Il nous faut aller plus loin en apportant encore plus de solutions pratiques et réaliste, sans occulter les enjeux humains que cette crise nous a envoyés en pleine figure. Sans nier non plus les frustrations et, au fond, la tristesse de notre société. D'hyperconsommation peut générer chez certains. Ce 8 décembre, notre quadragénaire a fini par lancer son caillou. Aujourd'hui, après les annonces présidentielles, peut-être sa colère n'est-elle pas retombée. Ou a-t-il l'espoir que son coup de sang annonce des jours meilleurs? Nous devons nous y atteler. Toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2019. Voilà, donc c'était bien le Arnaud de Blauve, rédacteur en chef de Que Choisir et qui pour le mois de janvier donc nous servait cet édito La France triste. Voilà, alors on va poursuivre ce dossier consommateur, mais avant on va peut-être s'accorder quand même une pause musicale, si tout est prêt, à l'accueillir. Voilà. Je ne crois pas que l'on puisse rire de moi, que je me mets vite en émoi. Je ne crois pas non plus que l'on puisse me taxer d'être une vierge effarouchée. Parler crûment ne m'a jamais bien effrayée. Déjà enfant, je jurais comme un charretier. J'ai la langue fleurie et je m'exprime librement, tout du moins la plupart du temps. Car ça me gêne, ça me peine, je ne sais pas dire je t'aime. Les mots se planquent, le courage me manque, je ne sais pas, je ne sais pas. Ne me reproche pas souvent l'hypocrisie, plutôt zéro diplomatie. Si je vais au théâtre voir sa pièce, un ami ne me demandera pas mon avis. Sur le choix du prénom, une copine qui vient d'être mère se passera de mon commentaire. C'est plus fort que moi dès que je ne suis pas seule. Ben il faut que j'ouvre ma gueule. Pourtant ça me gêne, ça me peine, je ne sais pas dire je t'aime. Les mots se planquent, le courage me manque, je ne sais pas, je ne sais pas. Les amis savent bien qu'après une biture, ben il vaut mieux qu'ils me censurent. Leur homme arrangé n'arrangeant rien. Mon naturel un peu païen. Quand je suis sous, j'ai un côté envahissant. Je braille comme un môme, interpelle les passants. Il faut le reconnaître, je suis assez balèze pour créer un certain malaise. Pourtant, ça me gêne, ça me peine. Je ne sais pas dire je t'aime. Les mots se planquent, le courage me manque. Je ne sais pas, je ne sais pas. Un garçon qui me plaît me regarde avec insistance, me tend la main et me susurre des mots doux. Là je ne sais plus rien dire du tout et m'enferme dans ce silence. Je veux appeler ma mère, les services de secours. Donnez-moi des mots d'amour. Mais je me ridiculise avec une blague pourrie et à toutes jambes je m'enfuis. Car ça me gêne, ça me peine. Je ne sais pas dire je t'aime. Les mots se planquent, le courage me manque. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, je vous disais à l'instant que la DGCCRF, c'est-à-dire la Direction Générale de la Concurrence et de la répression des fraudes, de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, et qui allait de plus en plus mal, puisqu'on constate des coupes dans les effectifs. Pas moins de 45 postes ont été supprimés à DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, selon le projet de loi de finances pour 2019. Une nouvelle réduction de moyens pour les inspecteurs des fraudes, qu'il est difficile de comprendre après l'affaire Lactalis. Le rapport de la commission d'enquête sur l'alimentation rendu en septembre 2018 avait pourtant conclu « Ce sont surtout les moyens de contrôle qui demandent d'être portés à la hauteur des enjeux. » Il préconisait un renforcement des effectifs de la DGCCRF. Rappelons qu'en 10 ans, entre 2008 et 2018, l'organisme a perdu 24% de ses agents, sans compter une réorganisation dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, RGPP, initié par l'ex-président Nicolas Sarkozy. Cette RGPP a éclaté la direction en plusieurs entités et affaibli les services départementaux. Ben, essayez voir, par exemple, dans les Vosges, de joindre la DGCCRF. Hein, où vous trouverez la protection des populations, mais rien d'autre. Et bien sûr, si vous écrivez un courrier, ben, vous attendrez longtemps la réponse. Elle ne viendra jamais. C'est dire à peu près le peu de moyens, qui est l'hypocrisie d'un gouvernement qui entend lutter pour les consommateurs et qui fait exactement le contraire. Après 2 ans de répit où le nombre de fonctionnaires de la direction s'est stabilisé, de nouvelles coupes sont programmées. Pour le syndicat solidaire, CCRF et SCL, majoritaire au sein des agents de la DGCCRF, il existe une véritable mascarade de l'État qui consiste à demander plus de contrôle d'un côté et à réduire le nombre de fonctionnaires de l'autre. Voilà, donc on est toujours devant cette hypocrisie du pouvoir politique qui n'hésite pas à supprimer des moyens de contrôle à peu près partout. Alors une aide aux victimes. Quand même, il y a un numéro d'appel plus simple. Notez-le bien. Le 116 006 est le nouveau numéro qui peut être composé par toute victime d'une infraction, atteinte aux biens et aux personnes, accident de la circulation, attentat, d'une catastrophe naturelle, inondation, tempête. Plus court et par conséquent plus facilement mémorisable que le précédent, il aboutit à une plateforme où des professionnels vous guideront vers des associations ou des réseaux spécialisés mis en place par le ministère de la Justice. Ce numéro gratuit, ouvert tous les jours de 9h à 19h, garantit l'anonymat de l'appelant et la confidentialité des échanges. Cette plateforme peut être jointe de l'étranger en composant. Alors 00 331 180 52 3376. Voilà, je voudrais savoir après J'ai des doutes sur le traitement véritablement des dossiers par la suite. Hein. C'est-à-dire que si véritablement on ne trouve pas une prise en charge par une association suffisamment ou un syndicat suffisamment dynamique, c'est vrai que ce type de plateforme est tellement impersonnel et on peut toujours se poser la question de savoir est-ce que véritablement il y a des résultats. Mais nous y reviendrons. Alors, on va parler un peu de santé, des médicaments à base de valsartan. Rappelez, environ 400 médicaments anti-hypertension retirés du marché. C'est un rappel d'ampleur qu'a émis l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Fin novembre, il vise valsartan, un traitement très utilisé en France, en cause la détection d'impuretés dans le produit fini. 11 laboratoires génériques commercialisant le médicament, seul ou associé à d'autres molécules, hydrochlorothiazide ou amlodipine, sont touchés par ce défaut de qualité. Ce n'est pas la première fois que l'agence doit se résoudre à de telles mesures. Depuis fin juillet, plusieurs rappels ont été effectués. Mais cette fois, 60% du marché français est concerné. 60% du marché français, je répète bien le chiffre. Les impuretés sont liées au processus de fabrication du valsartan. Plusieurs usines ont modifié leur méthode de synthèse, favorisant l'apparition de deux substances, la NDMA, je vous fais grâce du nom scientifique, et la NDEA. Considérée comme probablement cancérogène pour l'humain par l'Organisation mondiale de la santé. On les trouve naturellement dans l'environnement, mais leur concentration est ici supérieure à la normale. Quel est le risque pour les personnes ayant pris des médicaments contaminés? Des enquêtes sont en cours pour répondre à cette interrogation. Ils devraient être faibles au vu des taux observés lors des prélèvements. Outre l'aspect sanitaire, ce rappel pose un autre problème. Plusieurs sites ont désormais l'interdiction de fournir l'Union européenne en valsartan et les autres laboratoires ne peuvent pas adapter leur capacité de production ou de manière suffisante. Renouveler l'ordonnance en pharmacie risque de s'avérer difficile pendant quelques mois. L'Agence nationale de sécurité des médicaments a d'ores et déjà prévenu médecins, pharmaciens et patients. Il faudra s'adapter. Aucun échange ne sera possible, contrairement à ce qui se fait habituellement en cas de rappel. Un discours difficile à entendre pour les plus inquiets. En attendant un retour à la normale, les stocks disponibles devront être réservés aux personnes pour qui le traitement est indispensable. Les autres patients sont invités à prendre rendez-vous sans urgence chez leur médecin. Cette consultation sera l'occasion de convenir d'une adaptation du traitement. Celle-ci passera probablement par un changement de médicament, par un autre sartan ou un anti-hypertenseur d'une autre famille. Des alternatives efficaces et sûres, on peut le penser et le souhaiter. Voilà, parlons toujours santé et parlons des oméga-3. Des atouts des poissons gras. Les acides gras oméga-3 issus des poissons pourraient contribuer à éviter les maladies cardiovasculaires. C'est du moins ce qui a été montré par des études épidémiologiques d'observation des populations et des recherches menées sur les facteurs impliqués dans ces maladies. Par exemple, le rythme cardiaque. Serait dès lors utile de prendre des compléments alimentaires en contenant. Non, si on en croit une étude récente portant sur 26 000 volontaires qui pendant plus de 5 ans ont ingéré chaque jour, soit une capsule de 1 g d'oméga-3, dose recommandée aux États-Unis pour la prévention cardiovasculaire, soit un placebo. Voir également un article de Que choisir, l'article de Que choisir, justement, du mois de janvier, qui en parle. Les chercheurs n'ont pas constaté de différence significative entre les deux groupes concernant en particulier les infarctus et les décès d'origine cardiovasculaire. Sur la même population, un supplément quotidien de vitamine D n'a pas eu plus d'effet que le placebo sur les cancers les plus courants, ni sur les maladies cardiovasculaires. Il se trouve que les poissons gras, sardines, harengs, saumons, maquereaux, truites fumées sont la meilleure source alimentaire de ces deux nutriments. En manger une fois par semaine reste une bonne idée. Ben voilà, oui, c'est plus une question d'alimentation que de complément alimentaire, parce que les compléments alimentaires, ben, bien sûr, on ne sait pas trop leurs effets sur l'organisme. Puis là, on a quand même des suspicions par rapport aux études qui ont été menées que ça ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux avoir une alimentation équilibrée. Alors, on peut tout dans le domaine de la santé. On va parler des couvertures de lit. Gare au traitement anti, dit que choisir. François et son épouse achètent une couverture de lit dans un magasin du Puy-en-Velay. Il opte pour une pure laine, Aubisque. De retour chez eux, il repère une étiquette portant « laine traitée anti-mite par permétrine ». Comme ils disent que choisir, ce mot leur évoque quelque chose et ils se méfient. Ils ont raison. La permétrine est un insecticide interdit en agriculture car dangereux pour l'environnement, toxique pour les organismes aquatiques et les abeilles. Mais elle reste autorisée en tant que biocide, si bien qu'on peut la retrouver dans des produits grand public. Pourtant, elle est nocive par inhalation. Peut provoquer des irritations de la peau et des voies respiratoires. On la suspecte même d'être perturbateur endocrinien. Alors, mieux vaut éviter de passer ces nuits à son contact. Si elle peut être utilisée dans une bombe anti-moustique, elle est invraisemblable que des articles de literie contiennent. À nouveau, que choisir déconseille tous les traitements anti, qu'ils soient anti-mites, antibactériens ou anti-acariens. Rares sont les substances utilisées sans risque pour la santé, dit que choisir. Notre dernier test de matelas l'a encore démontré. Donc c'est dans le que choisir numéro 569, un test sur les matelas. Bah oui, c'est vrai qu'on fait des tas de traitements sur les textiles pour garantir des problèmes, mais il n'empêche que ces traitements peuvent être nocifs pour la santé. Donc, il vaut mieux s'abstenir d'acheter ce type de textile. Voilà. Alors, il y a l'appel à témoignage de que choisir qui me paraît intéressante et complémentaire santé. Pour une enquête sur l'évolution des tarifs de complémentaire santé, nous souhaitons, dit que choisir, recueillir des appels de cotisation ou avis d'échéance pour l'année 2019, ainsi que ceux de 2018 pour comparaison. Merci de nous envoyer vos documents. Ils seront anonymisés à l'adresse suivante. Ben oui, Anne-Sophie Stamann, rédaction Que Choisir, 233 boulevard Voltaire, 75011 Paris. Vous pouvez aussi les scanner, les poster à l'adresse mail suivante. Astamann@quechoisir.org. Vous trouverez sur le site de Que Choisir, de toute façon, tous les renseignements nécessaires. Je pense que quand même, là, Que Choisir cible quelque chose d'intéressant parce que les complémentaires santé vont augmenter fatalement. Je prends pour exemple la Mutuelle Générale qui n'a pas pu augmenter ses tarifs parce que la dernière assemblée générale de cet organisme, de cette mutuelle, donc, il y a eu un refus des participants à l'Assemblée générale de voter une augmentation. Mais il n'empêche que, aujourd'hui, les mutuelles sont de plus en plus taxées, bien sûr. Elles sont obligées de rentrer dans ce qu'ils appellent la garantie 2, c'est-à-dire dans l'Union européenne. Comme les assurances, être obligé de cautionner toutes les dépenses probables, prévisibles. Et puis en plus, bien sûr, le reste à charge zéro, préconisé par Macron, ne concerne bien sûr que les mutuelles, puisque c'est les mutuelles qui sont censées mettre la main au porte-monnaie pour justement, et non pas la sécurité sociale, comme ça devrait être, pour justement ce reste zéro sur les dents, sur les lunettes, etc. quoi. Et là, l'audition aussi. Et là, bien sûr, il est toujours facile pour un gouvernement de se retourner vers les mutuelles et puis de leur demander des efforts alors qu'elles sont déjà taxées de 7%. en particulier sur leur chiffre d'affaires. Et donc, bah, il arrive un moment donné où, bien sûr, les mutuelles n'en peuvent plus, ils sont bien obligés d'augmenter leurs cotisations, et ce qu'on croit être un acquis est en réalité un leurre, puisque de toute façon, même si on a de moins de reste à charge, eh ben, les cotisations mutuelles finiront par augmenter forcément, hein, d'autant plus que bon, on veut absolument que tout le monde soit mutualisé. Il y a les fameux contrats groupes qui écrèment bien sûr des populations qui sont celles des salariés, hein, au détriment et qui imposent des tarifs, au détriment bien sûr des contrats individuels qui augmentent continuellement. Voilà, donc de ce côté-là, encore la politique de Macron a sévi. Alors, changeons de rubrique. Parlons alimentation bio. Il y a du mieux à la cantine. Les Français veulent manger bio, toujours plus et partout. Leur budget consacré aux achats directs de produits alimentaires bio a explosé. Plus 43% entre 2015 et 2017. Du côté de la restauration hors domicile, c'est un peu plus poussif, mais également en progrès. C'est ce que note une étude réalisée par l'agence Bio, présentée en novembre 2018. En restauration commerciale, le bio enregistre une hausse de 13% en valeur entre 2016 et 2017. Et même les chaînes de fast-food s'y mettent. Mais si 45% des établissements ont commencé à introduire du bio dans leur menu, principalement via les fruits, légumes et vins, cette offre se cantonne à un petit 14% du marché. Le frein financier dû au surcoût des produits bio ne se vérifie pas toujours après coup. Loin de là, parmi les restaurateurs qui ont basculé, seulement la moitié a constaté un surcoût inférieur à 10% dans plus du tiers des situations. Pour limiter cet impact financier, ils ont travaillé sur le gaspillage, utilisation de produits bruts, l'équilibre entre matière végétale et animale, la mise en concurrence, les partenariats locaux. En restauration collective, la progression de 7% en valeur en 2017 est tirée par les cantines scolaires. 79% d'entre elles ont introduit du bio, contre 58% en restauration professionnelle. Pour les plus faibles ou les plus vieux, pas la peine. Seulement 34% des établissements du secteur de la santé et du social en servent. Les produits les plus proposés sont les fruits, les légumes frais et les produits laitiers. Pour lisser les coûts, là aussi, la lutte contre le gaspillage est le premier geste mis en œuvre. Pas d'optimisme exagéré. Le bio ne pèse que 3% du marché. Néanmoins, la loi alimentation, dont l'application a été repoussée à plus tard par le gouvernement, c'est le suivi des faits, devrait renforcer le mouvement puisqu'elle prévoit au minimum 20% de produits bio ou en conversion dans les établissements publics. Voilà, ben, ça progresse, j'allais dire tout doucement, mais ça progresse. Alors, puisqu'on a parlé tout à l'heure de matelas, et parlons de matelas pour bébés. Attention, il y a des modèles dangereux. Nos confrères allemands disent que choisir de Sitfung, Warestest, ont testé 14 matelas pour bébés. Près d'un modèle sur deux est classé non satisfaisant, car trop mou est donc très dangereux. Si un bébé de moins d'un an se trouve couché sur le ventre, son visage s'enfonce dans le matelas et il meurt par asphyxie, n'étant pas encore capable de relever la tête ou de se retourner. 5 de ces matelas à proscrire sont vendus en France via Internet. Il s'agit des modèles Alvi Max, Julius Soldner, Dr Lube R, plus Julius Soldner Pinolino Brinderstrom Allergo, alors Vlies, je suppose, Trumaland Schlumer Stern. Seul le fabricant Pinolino a bien réagi en annonçant retirer son matelas incriminé du marché et reprendre des exemplaires déjà vendus. Il est incompréhensible que les autres marques n'aient pas fait autant. En revanche, disponibles via Internet en France, deux matelas testés par nos confrères allemands sont sans risque. Il s'agit de IKEA Snooknast et Profana Kati Plus. Voilà, ma prononciation est peut-être défaillante parce que c'est quand même des marques étrangères et on peut toujours s'étonner qu'effectivement on fabrique si peu de ces matelas en France. Alors, puisqu'on est dans le domaine de la santé, là, on quitte les nouveau-nés pour parler du cidre, des bienfaits santé exagérés. Depuis la loi Evin de 1991, la publicité sur l'alcool est encadrée. Mais la ligne est plus floue pour les messages adressés aux journalistes. En témoigne un communiqué titré « Cidre et nutrition » envoyé par Cidre de France, l'antenne de l'Union nationale interprofessionnelle Cidricole, l'Unicide. Il détaille les avantages nutritionnels de cette boisson alcoolisée. Parole d'une diététicienne à l'appui. Dédramatiser la consommation d'alcool pour redorer son blason. C'est l'une des astuces de ceux qui en produisent. Du cidre, bien entendu. Jouer la carte minceur, nutrition, est moins courant. C'est pourtant l'angle adopté par Cidre de France qui s'interroge. Le cidre, bon pour la ligne ? Alléchant, mais trompeur. Selon ce document, le cidre présenterait un gros avantage face à ses concurrents. Deux fois moins calorique que le vin. Il ne contiendrait pas de sucre ajouté. Cet argument cible les personnes surveillant leur poids. L'alcool étant très calorique. Sauf que le cidre ne fait pas exception. Il est aussi riche en calories que la bière. Le cidre aurait en outre de réels atouts nutritionnels. Riche en potassium, en sels minéraux, en antioxydants, même en sorbitol, un édulcorant naturel. Mais là encore, deux informations passent à la trappe. Ces nutriments sont présents dans les pommes, autant en croquet, et les sorbitols consommés en excès a un effet, a un effet laxatif. Bien sûr, cette communication oublie de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah ben oui, on connaît, hein, l'abus d'alcool dangereux pour la santé. Ça ne doit pas nous faire quand même complètement dégoûter du cidre. Mais enfin, il faut savoir quand même que cidre, bière, etc., c'est à peu près le même degré d'alcool. Voilà, donc on va s'accorder une nouvelle pause musicale pour ce dossier consommateur du mois de janvier qui vous est dispensé avec quelques petits retards. Mais bon, il y a eu les fêtes de fin d'année, tout ça, et tout le monde aspire à un peu de repos, n'est-ce pas ? Surtout quand les mardis tombent à Noël et au Nouvel An. Thank you. Et bien voilà, nous reprenons l'antenne pour ce dossier conservateur issu de la presse consumériste et plus particulièrement de Que Choisir. Alors, autre article de Que Choisir, c'est ce fameux, parce que ça, c'est un roman épisode, mais dont on parle peu ou n'en parle plus, c'est Lactalis, des salmonelles passées sous silence. Le groupe Lactalis est secret, comme son PDG Emmanuel Besnier. Mais sur la contamination de lait infantile fabriqué dans son usine de Craon, dans la Mayenne, il n'a pas dit toute la vérité. Auditionné le 7 juin 2018 devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, le patron de Lactalis déclare sous serment « À aucun moment nous n'avions eu connaissance de la présence de salmonelle dans nos produits finis. » Or, la salmonella agona était bien présente dans l'usine depuis 2005. Plusieurs analyses avaient signalé et aurait dû alerter l'industriel. Détecté en 2011, c'est ce que révèlent les documents transmis le 2 février 2018 par Lactalis à la préfecture de la Mayenne. On y trouve le tableau des autocontrôles positifs entre 2007 et 2016. Et donc, la référence de Que Choisir, c'est l'hebdomadaire Marianne du 9-11-2018. Une ligne interpelle, celle indiquant la présence de Salmonella agona dans un produit en 2011, la même souche que celle qui avait déjà provoqué une salmonellose chez 146 nourrissons en 2005. Pour Lactalis, il s'agissait de produits semi-finis, non commercialisés, une nuance qui lui permet de se dédouaner. D'autres Salmonella agona ont été trouvés dans l'environnement en 2009 et 2014, puis 2017. Mais la réglementation en vigueur n'obligeait pas Lactalis à prévenir des pouvoirs publics, du moment qu'il n'avait pas commercialisé les lots contaminés. Et il s'en est bien gardé. Une attitude d'autant plus regrettable que 27 nourrissons avaient été contaminés par la souche agona provenant de Craon entre 2006 et 2016. C'est ce qu'a découvert le centre de référence des Salmonella. Lactalis inclurait ces cas dans la procédure d'indemnisation. Des autocontrôles pas assez fiables, c'est ce que constate là encore Que Choisir. Ces omissions, même légales, trahissent le manque de fiabilité des autocontrôles. Un point déjà relevé en 2005 par Santé publique France, suite à la première contamination. L'organisme soulignait l'inadéquation des autocontrôles à Salmonella dans les poudres de lait pour détecter une contamination. Un point sur lequel insiste aussi le rapport d'enquête parlementaire publié l'été dernier, tout comme sur la calamiteuse gestion des retraits, rappel des produits. Mais une seule des recommandations des députés figure dans la loi alimentation, l'obligation de transmettre aux autorités tout résultat d'analyse positive. Voilà, que dire, de toute façon, c'est l'impression que cette histoire de Lactalis se termine en queue de poisson, si on peut dire. Voilà, Lactalis reprend, Lactalis reprend la commercialisation des laits infantiles sous les marques Celia et Pico, avec des boîtes dotées de QR, code, qui renvoient vers le site internet de ces marques. Après saisie du code barre et du numéro de lot, des informations sur le résultat des analyses réalisées et leurs dates apparaissent. Une vidéo explique le circuit du lait et les différents traitements qu'il subit. Voilà. Eh bon, est-ce qu'on a l'abri la question qui peut se poser, est-ce qu'on a l'abri d'une nouvelle contamination des laits infantiles? Je pense qu'on peut guère être optimiste sur ce plan-là. Voilà, alors, que dire? Les gros électroménagers, il apparaîtrait une entente sur les prix entre groupes. 6 fabricants ont été condamnés à payer 189 millions d'euros. Les dirigeants de grandes entreprises qui se retrouvent dans un discret restaurant parisien, 18 euros la formule plat dessert café, pour se mettre d'accord sur des hausses de prix. La scène semble tirée d'un film. mais elle est bien réelle. L'autorité de la concurrence sanctionnée, début décembre, 6 fabricants d'électroménagers, Bosch, Siemens, Candy Hoover, Liebherr, Electrolux, Indesit et Whirlpool pour s'être concertés en 2006, 2007 et 2008-2009 sur des hausses de prix de leurs références les plus vendues de produits blancs. Réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, cuisinière, four, plaques de cuisson. Voilà. Les hausses allaient de 20 euros pour les appareils coûtant moins de 200 euros à 50 euros pour ceux de plus de 400 euros. Les fabricants se sont ainsi entendus sur les conditions commerciales appliquées aux cuisinistes, ce qui a affecté les prix pratiqués par ces derniers. L'autorité les a condamnés au total à 189 millions d'euros d'amende, où aucune société mise en cause n'a contesté les faits. Elles ont donc bénéficié d'une réduction de sanctions dans le cadre d'une procédure de transaction. Rendez-vous dans quelques mois pour l'acte 2. L'affaire est si vaste que seule une partie des faits a été tranchée. L'enquête se poursuit sur d'autres pratiques de ce cartel, notamment des prix imposés aux distributeurs et l'interdiction qui leur a été faite de vendre certains produits sur Internet. Ah ben voilà, quand on dit que la saine concurrence, ça peut lutter contre la hausse des prix, on s'aperçoit bien qu'il y a quand même pas mal d'ententes illicites entre groupes pour ne pas vendre trop bas et faire ainsi le maximum de bénéfices sur le dos des consommateurs. Alors, jardiner sans pesticides, on est toujours dans l'actualité, puisque de toute façon, on est toujours dans les deux mois de lutte contre les pesticides qu'ont initié les fameux coquelicots dont nous reparlerons à notre antenne. Alors, jardiner sans pesticides, c'est désormais une obligation, ne l'oublions pas. Que choisir un site depuis des années à jardiner sans pesticides, exemple de réussite à l'appui. Aujourd'hui, c'est une obligation, mesure emblématique de la loi sur la transition énergétique, votée en 2015, c'était sous le gouvernement Hollande. L'interdiction de la vente de pesticides aux particuliers est entrée en vigueur ce 1er janvier. Les enseignes ne pourront plus ruser comme elles le faisaient depuis que leur commercialisation était interdite, en libre service du moins. En effet, les clients étaient censés s'adresser à un vendeur, mais des magasins les avaient laissés en libre accès. On a même vu des promotions sur le Roundup, opération illégale puisque publicité et réduction de prix sur les pesticides étaient déjà prohibées. L'interdiction pure et simple de vendre des pesticides met fin aux interprétations, détournement de la réglementation. Eh bien voilà, si vous êtes des jardiniers du week-end, ben sachez que, de toute façon, jardiner sans pesticides, ben c'est une obligation. Et puis, de toute façon, c'est la santé même. Hein, quand on sait tout ce qu'on a inventé comme produit, dont des perturbateurs endocriniens qui sont soupçonnés d'être particulièrement mauvais pour la santé, voire cancérogènes. Bon, il y en a beaucoup de choses, à dire par rapport à ça. Mais bon, malheureusement, cette réduction des pesticides domestiques, j'allais dire, ne s'accompagne pas pour autant d'une réduction des pesticides à l'échelon de l'agriculture, puisque on s'aperçoit quand même qu'il y a tout autant de pesticides, voire plus, qui sont utilisés qu'avant, alors que du temps de quand une certaine ministre de l'écologie avait programmé 50% de réduction des pesticides, bien sûr, c'est resté un vœu pieux. Voilà, eh bien, que dire encore? Garantie de conformité, l'avancée française est remise en cause, obtenue par l'UFC Que Choisir dans le cadre de la loi Consommation de 2014, l'extension de la présomption de conformité des produits de 6 mois à 2 ans, particulièrement favorable aux consommateurs, a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour rappel, cette présomption aboutit à ce que dans les 2 années suivant l'achat d'un bien, le particulier peut obtenir la réparation de l'appareil si une panne ou un problème survient sans rien avoir à prouver. Or, dans le cadre de la réforme européenne du droit des contrats, le Conseil et le Parlement européen veulent limiter à 1 an cette présomption et imposer l'harmonisation maximale, c'est-à-dire l'impossibilité pour les États membres de prévoir ou de maintenir un délai supplémentaire. Promotion d'une consommation responsable attachée à la durabilité, réparabilité des produits, l'UFC Que Choisir entend se battre pour l'harmonisation minimale sur le maintien de la législation nationale, plus favorables aux consommateurs, comme en France et au Portugal. Voilà, ben, malheureusement, là, on risque de voir la garantie des produits de 2 ans se réduire à 1 an sous l'action de l'Europe. Bon, il est vrai que dans certains pays, avec une garantie de 6 mois, et puis que ça a été élevé à 1 an, mais il n'empêche quand même que les pays qui ont des avancées, comme la France, Portugal, pour ne citer qu'eux, ben, on pourrait quand même, on devrait leur permettre de continuer, on devrait s'aligner vers le haut et non pas vers le bas, comme souvent l'Europe le fait. Alors, un article, bien sûr, qui parle du démarchage téléphonique, je pense que tout comme moi, vous en avez ras-le-bol du démarchage téléphonique. Et que choisir de dire quand va-t-on raccrocher ? Soulignant l'inefficacité de Bloctel, l'UFC Que Choisir dénonce depuis des mois la recrudescence du démarchage téléphonique. Or, une proposition de loi est en discussion au Parlement. Si plusieurs dispositions vont dans le bon sens, aggravation des sanctions, lutte contre la fraude aux numéros surtaxés, le cœur du problème, le démarchage téléphonique intempestif, sera, lui, loin d'être réglé. Tout d'abord, ce texte cautionne la logique du droit d'opposition selon le mécanisme d'opt-out. Si le consommateur n'a pas manifesté son opposition, il peut être sollicité. C'est celui adopté par Bloctel. Or, il faudrait mieux choisir l'opt-in. Il faut avoir l'accord express du consommateur retenu ailleurs en Europe, Allemagne, Portugal, et en vigueur dans l'Hexagone pour les courriels et les SMS. De plus, ce texte élargit trop les dérogations à l'interdiction de démarcher les inscrits à Bloctel. Actuellement, les entreprises ne peuvent les contacter, sinon pas ou plus de relations contractuelles avec eux. Le texte en discussion veut permettre aux sociétés de démarchage téléphonique, leurs clients, y compris ceux inscrits à Bloctel, jusqu'à 6 mois après la fin d'une prestation, sans qu'il y ait de lien avec l'exécution de cette dernière. L'UFC Que Choisir, allié aux autres associations de consommateurs, se battra pour couper court au harcèlement marketing subi et dénoncé par des millions de Français. Ah ben voilà, on n'avance pas beaucoup hein, la matière, on peut s'en apercevoir, et puis la loi risque d'être particulièrement encore laxiste par rapport à ce démarchage téléphonique. Moi, je dis souvent, mais c'est pas forcément quelque chose de 100% efficace, c'est qu'on doit attendre au moins 3, sur un téléphone fixe, au moins 3 appels avant de décrocher, de manière, parce qu'on sait très bien que la publicité, appelle 3 fois pour payer moins cher, paraît-il, et qu'il n'y a pas de 4e appel. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut penser qu'au bout de 3 appels, c'est un téléphone sérieux. Et puis, bien sûr, il faut faire attention au 01, au 04, je ne sais pas trop quoi, alors qu'on n'a pas forcément de correspondant dans l'Ouest, le sud de la France, la région parisienne. Voilà, on va terminer ce dossier consommateur en faisant une revue de presse très rapide par rapport à Que Choisir, parce qu'il y a des articles particulièrement intéressants ce mois, à savoir décryptage, chauffage au bois, gare à la pollution, des forums, dans Que Choisir, alerte, reconnaissance faciale. Ah oui, la reconnaissance faciale des smartphones trop souvent dupés. Huile d'olive et dérivés à nouveau pointés du doigt. Les smartphones des abonnés dans l'impasse. Et puis, il y a un article qui est particulièrement intéressant sur les autres, qui s'appelle Zone Rouge, marque alimentaire, soucieux de leur profit, pas de vous. Voilà, et ça pourrait vous arriver, travaux d'aménagement des malfaçons signés RGE Calibat. Voilà, il est temps de se quitter et puis de se donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.